1, 2. Ça me fait penser à Trunk 25, hein? Ils ont une chanson à un moment donné, c'est très romantique. Ils disent « Je t'ai tellement fourré dans la tête que tu peux plus compter jusqu'à 4. » Et ça me fait penser que tous les techniciens de son de la vie se sont trop fait fourrer dans la tête parce qu'ils disent tout « 1, 2, 1, 2. » Puis c'est ça, c'est un lien que j'ai fait à un moment donné. Je pense que j'étais seul dans une petite pièce où t'as accès à un évier. Je peux me lancer dans ce qui va débuter la soirée. Chef technicien Stéphane Mallette à la console. Et il me fait signe que oui, on enregistre et on est lancé. C'est vraiment un honneur, encore une fois, de parler devant le micro grâce au travail. Là, ils sont pas là, là mais il y avait Alexandre Larocque tantôt qui a travaillé fort toute l'après-midi. Il y a Stéphane Mallette et on a aussi Olivier Sirois à la console. C'est de bon ton de commencer, hein, s'il vous plaît, les remerciants en faisant du bruit, s'il vous plaît. Yeah! Parce qu'on dira ce qu'on voudra. Pas de technicien, pas de show. Ben oui, mais là, s'il y a personne pour tenir le micro, le technicien pourrait venir tenir le micro s'il voulait. T'sais. Donc, c'est le meilleur show gratuit du lundi au monde. Encore une fois, on a une soirée toute éclectique à vous présenter. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est les 9 ans de douteux.org. Pourquoi c'est les 9 ans aujourd'hui? En fait, c'est que moi, mon ami Jessica Lesage, en 2007 ou 2008, c'était vraiment genre les débuts. On venait de recevoir les papiers qui disaient qu'on était rendu à un OSBL et tout. Et j'ai fait une fontaine de jambon cette fois-là. C'est quoi une fontaine de jambon? C'est que j'étais à l'épicerie et dans les racks de viande froide, je faisais ça comme ça dans un panier. Je vous mens pas, j'étais bandé. J'ai vécu quelque chose de spécial en faisant ça. C'est pas, je suis pas extra carnivore et au-delà de tout ce que... Mais j'ai vraiment vécu un moment spécial et on en a fait une sublime sculpture. Il y avait 400 piastres de viande. Tu t'en rappelles, Bond était là, toi? Bond était là, il y avait 400 piastres de viande qui était montée. On avait fait des sculptures en jambon, en viande froide. On avait tout saucé ça dans l'huile d'olive pour que ça reste comestible longtemps. On l'avait promené partout dans le musée de l'absurde. Et il y a même des végétariens qui ont dit « Dude, je communie à ta fontaine de jambon parce que je comprends le message en arrière et je peux pas passer à côté de ça. » Et c'est donc en l'honneur de cette soirée grandiose que le 20 mai, ou le 25, je suis plus sûr, ça rajoute sérieux partout, j'adore ça. Le 20 ou le 25 est devenu la journée internationale du jambon, la fête du jambon, et par la bande, on a décidé que c'était aussi l'anniversaire de douteux.org. Et si vous comptez bien, 2008 plus 9, on est rendu en 2017, ce qui fait qu'on fête les 9 ans d'un organisme à but non lucratif qui est peuplé de motivation de bénévoles. Puis ça, quand tu te dis qu'il n'y a même pas 5% des entreprises PME créées, whatever, qui passent 5 ans, on est rendu à 9, nous autres. Fait que je pense que, ouais. Et par-delà la pérennité, il y a encore aussi le propos actuel, à mon sens, de remettre en question les médias. C'est une activité qu'on n'arrêtera jamais. Encore présentement, aux States, il y a des lois qui sont en train de décider de comment on va utiliser le médium que tout le monde préfère, c'est-à-dire Internet. C'est bizarre, pareil, il y a des lois votées aux States face qu'il y a des sites bloqués ici. Et là, ils sont en train de peut-être oublier la neutralité du net, ce qui est comme vraiment pas cool, là. Come on, là. Et déjà aussi Donald Trump, qui ici l'aime, hein, par applaudissement. Ça. Déjà, Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, a signé quelque chose qui fait que c'est maintenant légal pour les entreprises d'acheter au gouvernement les renseignements qu'il y a en ligne. C'est un petit peu comme quand ils ont dit que nos poubelles sur le bord du chemin sont rendues de propriété publique. Donc, les employés de la ville, ils ont le droit d'ouvrir les sacs pour trouver les adresses, pour trouver des preuves et ainsi de suite. C'est pas comme privé des vidanges. Eh bien, nos historiques d'Internet, ça serait un petit peu vu de la même manière. sauf que c'est vraiment pas la même chose. Donc, on est en train de vivre une période de transition qui rend l'idée de questionner les médias et ce qu'on consomme culturellement d'autant plus vivant, d'autant plus pertinent. Et ce soir, d'ailleurs, on va terminer la soirée avec la genèse un peu de... pas vrai, là, mais... Le documentaire qui a été tourné en 2008, surtout sur moi, mais sur les balbutiements de l'organisme dans sa dernière forme, qui est peut-être celle qu'on a présentement. Merci au brouhaha. Merci à vous, cher public, sans qui mes lundis seraient tellement plus plates. C'est un documentaire qui a été tourné par Jean Pénis Ménard. On le salue. On l'appelle Pain aussi, ou le Pain, des fois. T'as juste besoin de prendre une douche avec, puis tu vas savoir de quoi je parle. on le salue. Il est rendu en Australie. Ils ont demandé d'aller là. Parce que vous contrebalancez des affaires de même. Là. Mais Jean-Philippe avait fait le film parce qu'il trouvait que c'était un sujet stimulant. Et il est arrivé vraiment plein de bouts fortuits. Vous allez les découvrir dans le film, mais c'est plein de... Il a été témoin, parce qu'il n'a pas été là souvent, mais les fois qu'il a été là, ça a donné qu'il y a eu des affaires vraiment cool qui se sont passées. Comme quand que je me suis fait crisser dehors de la roquette, genre. Fait que là, ben à long terme, c'est vraiment cool, mais sur le coup, je suis en crise, je suis sous, puis je me sens pas respecté, là. Vous allez voir, tu peux pas me manquer, là. Dans ce temps-là, j'étais gros puis j'avais une moustache. OK? Sinon, ben voilà, avant ce long métrage-là, on a Les Amis de Desi et Derek, qui est probablement le spin-off le plus populaire de 70%. Ils sont ici pour faire le VJ. On est très contents de les revoir avec nous. Ça va être magique tantôt. Et oui, juste avant ça, ça va être un 70%, comme à chaque lundi, loadé de chroniqueurs qui sont pleins de talent. Et mesdames et messieurs, Mathieu Boudreau est avec nous ce soir. Incroyable! Ouais. Comme à chaque lundi, mais c'est un lundi 7, c'est le plus proche qu'on a envie. Et on a aussi Julien Tremblay qui va, j'entends-tu dire, nous jouer de ses compositions personnelles reprises. Hein? On va avoir un scoop sur ton prochain album. Ouais, OK, bah c'est bon. Mon recherchiste me dit que je suis à ma place en esti. Et juste avant ce 70%-là, il n'y aura pas d'humoriste parce que je viens de parler longtemps en tabarnak. Fait que, merci encore une fois aux techniciens. Merci à vous, 9 ans de douteux.org. Merci au brouhaha. Oh, peut-être aussi mentionner la présence incroyable de Sylvain Savard, artiste de talent ici, qui est venu... Qui est venu produire la création qui va être vendue à l'encan tantôt. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon boss chez Outer Minds aussi. Un peu de respect! OK. Puis ben là-dessus, on commence la soirée, s'il te plaît, Andy. Amène-nous vers ce que ça marche. En manchette ce soir à 70%, un Beethoven d'eau, un vin délicieux, un beau de ville, beau de billet. Crier au loup, Valium à volonté, duel à canon, canon en poudre et la bonne nouvelle, 70%, bienvenue parmi nous à 70%. Mesdames et messieurs, oui! Les Crackberries, on a la joie de les avoir comme house band, un projet extra-temporel avec... Ouais. Ouais, ben c'est parce qu'on a, on a passé dans une porte temporelle. On était en 84. Puis on a passé dans une porte temporelle. C'était soit une porte temporelle ou un fixe, je me souviens plus. Je suis certain que c'est les deux, gros. Fred Caillou, un petit peu les deux, man. Fred Caillou l'avait fait, ça aussi, dormir. Là, pendant... Je le connais pas, Fred Caillou. À la fin, il se réveille, tout va bien. Ah, les gens qu'on fait du bruit, je pense. Ouais, c'est ça. T'es en train de dire, gros, qu'on est dans Mario Bros. 2. En tout cas. C'est vrai, à la fin de Mario Bros. 2, il se réveille. C'était un rêve. Et on se souviendra que Wart, la méchante grenouille, rit comme s'il est pour avoir un Mario Bros. 2. Ça serait assez capoté. Donc, bienvenue à 70% tout le monde. Mon nom est Tommy Godette et... En fait, j'aimerais ça le lancer parce qu'on a déjà une nouvelle tune theme, un nouveau house band. Et j'aimerais prendre une tranche ici pour remercier John FK, un ami de Québec qui nous fait ça bénévolement et qui vient de, il vient de nous faire une nouvelle publicité. Fait qu'on on rajeunit l'image de Douteux en rajoutant Alf dans un Alien. J'y ai demandé un hélicoptère qui explose et vous avez vu, il a mis une Queen hélicoptère qui explose. Ouais, tu vois, il y a comme le long corps de l'hélicoptère. C'est là, la reine ça, c'est, plein, c'est plein d'œufs. Elle va pondre des œufs qui vont aller donner des hélicoptères et exploser. Ça va être vraiment beau. Et puis sinon, ben Bone, mon vieux fier camarade de Francopin depuis toujours, a des CD à donner. C'est des bons CD. Il y a du Genesis. Ah, wow! On veut juste pas les péter. Fait que si personne vient les prendre à la fin du show, je les casse. Okay. Ah, mais non, tu peux pas casser I Can C'est Dance. Ça qui arrive. Bien les prendre. Ils sont gratuits. Si t'aimes ça. Sinon, ben, bienvenue à 70% encore une fois. Toi, Andy, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah, plein de choses. Plein de choses cette semaine. Ben, je suis sur appel, même en ce moment, je suis sur appel. Donc, ça se peut qu'à tout moment, je lâche le micro, je parte en courant, criant, tabarnak. Oui, je me rappelle, tu l'avais déjà fait, ça. J'ai déjà fait ça. En 2012, genre. Écoute, on fait de la radio guérilla. Hein? Ben, regarde. Pas le choix pour payer les comptes. Sinon, ben, il y a plein de chroniqueurs. Fait qu'on va tout de suite adresser l'éléphant qui est dans la pièce. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez notre invité, Julien Tremblay. Non. L'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce. Dis, ça va, Julien? Ça va très bien. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Ben oui. On lui a à peine demandé une fois. Et puis nous, ici, en plus, on est comme différents. On dit pas « j'ai rien entendu, jamais ». Mais non. Sauf Toto. À bas les clichés. Ouais. À bas les clichés, on n'en veut pas toi, de clichés. C'est-tu ton genre de dire ça, toi, « j'ai rien entendu »? Non, jamais. C'est mon genre de ne faire aucun cliché. Yes. Comme sauf ça. Quand tu dis que tu fais aucun cliché. Personne n'a jamais dit ça. Ah, t'as le feu des yeux, ça va au prochain. T'as-tu comme une joke de Meg préférée? Une joke de Meg préférée? Ouais. Genre, check, c'est un gars de 100 livres qui te raconte ses mauvaises idées. C'est des plans de Meg. Oh, ça c'est un jeu de mots, de Meg, oui. Des plans de Meg. J'en ai une autre de l'autre côté. Meg, mais. Le gars, il peut pas faire l'amour. Le gars, il dit, je peux pas faire l'amour avec ma femme après avoir pris mes pilules. C'est écrit sur la bouteille, ne pas opérer de la machinerie lourde. De l'autre bord, j'étais allé de l'autre bord du spectre. Wow. Oh. Inventer les jokes de mon oncle, c'est un exercice de style très plaisant. Ça, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais fréquemment? Pas fréquemment, non. Est-ce qu'on pourrait le faire ici un petit peu? Ben oui, certain. Serais-tu à l'aise avec ça? Ben oui. Est-ce qu'il y a un état d'esprit qu'il faut se mettre si on veut commencer à créer des jokes de mon oncle? Pas du tout. Pas. Ben est-ce oui, que, oui. Est-ce qu'on est mieux de demander à Andy qui s'en a? Non. Il y a le look. Oh, je suis mon oncle. Ce que ça prendrait, c'est comme, mettons, notre citron de mon oncle, puis là, on va le presser pour faire de la limonade de jokes de mon oncle avec Andy. C'est pas moi qui ramasse. C'est un bon créateur, en plus. OK, let's go. Joke de mon oncle. Joke de mon oncle. Faudrait que ça finisse avec. Mettons que la joke, il faut qu'elle finisse avec. Tu veux-tu partir un thème ou tu veux. Ouais, ben moi, j'imaginais. C'est pour ça que les petites filles s'en vont jamais au vestiaire tout seul. Ils s'en vont jamais au vestiaire tout seul. Au vestiaire. Vestiaire tout seul. C'est pour ça que les petites filles vont jamais. OK, parce que. OK, c'est pourquoi. C'est-tu pourquoi les. C'est-tu pourquoi il n'y a pas autant d'avortements? Non, je vais faire une joke de support, là. T'as une idée. C'est pour ça que les petites filles vont pas vestir. Ben, support vestiaire, mais tu veux, tout est là, faut juste la reconstruire. Ça arrive souvent, les gens font souvent ça avec les humoristes. J'avais une blonde qui faisait ça. Elle disait, hey, tu sais, là, mettons que je t'ai dit, là, coiffeuse, puis le pape Jean-Paul II. Elle dit, fais une joke avec ça. Ouais. Je dis, mais c'est comme si tu te dis... Il reste 10 secondes! Ouais, c'est comme si tu te dis, v'là une vache, puis fais-moi un cheese. C'est ça. C'est comme, ah ouais, à ce point-là. C'est très difficile à faire. OK, mais là, je veux dire, il n'y a pas comme un gisement de matière première à blague qui est après ça dilué par... Ah, peut-être, hein? Ben écoute... C'est comme la différence entre la comédie et l'humour, genre. Il y a des affaires où le burlesque, tu sais, il y a des affaires qui sont plus acceptées, qui sont moins marginales. Mais donc... par qui? Qui sont ces gens qui acceptent? Ah, c'est Facebook. Ouais, c'est Facebook. C'est quand tu commences à te comparer ou à commencer, ça va mal, là. Maintenant. Non, mais c'est Facebook, là. Qui sont ces gens sur Facebook? Et, oh, regarde là. Ouais, c'est vrai. Ouais, oh non! Oh, yes! Pourquoi tu t'appelles Julien? C'est mon compte personnel. C'est les gens avec qui j'ai jasé dans la vie. Okay. Qui sont mes amis là-dessus. Les autres, je les avais transférés sur une page fan que mon frère m'a dit qu'il faudrait que je fasse. Pas fou. Pour aller plus que 5000 personnes. T'es rendu un branding, là. Quand est-ce qu'on va avoir comme les tasses ou... Il y a des tasses, des chandails. C'est un bobblehead. Ma fille a fait le logo. Oh. Ma fille a fait le logo. Elle étudiait en graphisme. Elle a pris une année sabbatique du cégep Marie-Victorin. Là, elle travaille au Provigo 30 heures semaine. C'est une belle année. Ça me semble la très inusuelle à suivre. Ça. Mais on appuie. En tant que parent, on appuie. Hein? On a inculqué du jugement et on fait confiance à ce jugement. Elle est au Provigo. J'ai rien contre Provigo. Je dis que là, elle apprend la valeur de l'argent. C'est là qu'il arrive. Ouais, elle a quand même fait un logo puis ça se vend très bien sur le T-shirt. C'est très cool. Je suis bien content. Ben, ça me semble que j'avais quand même une question qui était drôle aussi, mais c'est... T'es facilement ébranlable. Ouais. C'est bizarre. Pense-y, on prend une gorgée. C'est ton neuvième année? C'est ton neuvième an là, qui mais ta question était... Drôle. Ta question était, est-ce que j'ai du merch? Non, mais en fait, je voulais plus savoir, quand que tu manges de la crème glacée napolitaine, oui. T'es-tu plus du genre à y aller dans le blanc, dans le brun ou dans le rose? Je suis toujours dans le brun, moi, parce que j'aime le chocolat. OK. Le rose, pas moins. Pas tant que ça, parce que ça goûte la chimique. Ah ouais. Le blanc, ben, c'est s'il en reste plus de chocolat. OK. Ouais. Okay. Pourquoi tu n'achètes pas juste la crème glacée au chocolat? Ben parce que si j'ai encore faim, il y en reste. Oh. OK, c'est bon, ça me va. Puis, t'as pas commencé à jouer à Magic depuis. As-tu vu un fantôme, ça, peut-être? Non, je n'ai pas du tout joué à Magic. J'ai fait l'amour. C'est vrai que t'es diamétralement opposé à jouer à Magic. C'est l'autre bord du spectre. C'est vraiment l'autre bord du spectre. En fait, l'autre jour, j'ai rencontré une fille en ligne, puis là. C'est vrai, sur Facebook. Et puis là, la fille, elle disait qu'elle, dans la vie, ce qui l'inspirait le plus, c'était de checker ses cartes de Magic. Oh! Wow. Fait que là, j'ai dit, Colin, tu m'étais destiné. Ben oui. Là, on a jasé un petit peu, puis à un moment donné, elle m'a dit qu'elle était transgenre depuis pas longtemps. J'ai trouvé ça vraiment drôle que Magic est plus fort encore que... Je trouvais ça drôle que même la fille qui jouait, c'était... En tout cas, mais elle tentait quand même. C'est pas parce que cette personne-là passait à travers d'une épreuve. Ah ben, elle était matchée pis tout. Ah, elle était matchée. Écoute, là, ça, la discussion devient autre chose aussi. Là. Elle fera bien ce qu'elle veut avec ce qu'elle a. Là. Mais est-ce que c'est parce qu'elle joue à... On peut tous être notre propre joueur des séries. T'as raison. Ben, quand ça arrive, un événement comme ça, est-ce que tu roules les dés et puis là, tu prends ta décision par rapport au dés? Ah, je vais au feeling, je te dirais. Feeling, c'est tu en train de comme me cruiser? Que... Non, pas du tout, j'ai pas de dés. À cause que je parle de Donjons et Dragons. Ben, ouais. Sinon, ben, Julien, je pense qu'on est rendu à parler d'autre chose. On va aller écouter notre band. Toi, tu t'es rendu à l'aise. On va avoir une couple de chansons tantôt à toi, peut-être. Moi, j'adore le band, mais je suis au feeling. Moi, j'ai mes dents de sagesse qui poussent en ce moment. Oui, c'est vrai. J'en ai du bicarbonate de soude. Tu peux pas être un père qui a des dents de sagesse qui poussent. Ben, je le sais. Okay. Il y a souvent, j'étais avec ma fille, puis elle me disait, regarde, lui, il a l'air d'un monsieur, lui, il a l'air d'un papa. Oui, t'as bien raison. Ouais, il a te remis à ta place, ouais, en Grèce. Ouais, des fois, faut-tu que tu lui demandes pour sortir? Ou... Non, mais je demande des clés. Ah, c'est pas fou. C'est des clés. Des affaires pour partager. Ouais. Fait que je pense qu'on est prêts, messieurs, s'il vous plaît. Je vous souhaite un excellent 70%. Julien Tremblay, mesdames, messieurs. Oui! Avec Andy Schalk, les nouvelles avec Andy Schalk, les nouvelles avec Andy Schalk, les nouvelles avec Andy Schalk. Wow! Bon, wow. Cowbell! J'aimais où est-ce qu'on s'en allait, mais. Oh well. Les crackberries, c'est une énergie tout à fait nouvelle. Regarde. Il n'y a personne qui est venu chercher de CD encore. Je vous rappelle qu'on les pète à la fin du show. Moi, j'apprends Genesis, moi. Ben, tant mieux pour lui. On va profiter des annonces, des nouvelles plutôt. Ben, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue aux nouvelles 70%. Alors, vous savez, aujourd'hui, on est en congé. On est, selon votre allégeance, c'est soit la reine, soit les patriotes. Soit les terroristes, soit les hosties blocs. Et ce qu'on sait, c'est que autant la reine que les patriotes, c'était dans le même siècle, le 19e siècle. Donc, ce soir, en spécial, j'ai des nouvelles vraies du 19e siècle. Oh, cool! Très cool. Ils sont vrais, ils sont testés, ils existent, ça s'est passé. Un homme, Andrew Anderson, 25 ans, se promenait avec son gros chien Bernard, le long du port d'Eastwood sur la rivière Passyac à Belleville, au New Jersey, le samedi 20 juin 1891 dernier. Le chien a sauté dans la rivière, tirant sur la chaîne que le jeune Andrew tenait. Le jeune homme s'est noyé. On rapporte que le chien n'a fait aucun effort pour le sauver. Le corps de Andrew a été repêché. Heureusement, le chien s'en est tiré avec aucune blessure. Donc, ouais. C'est une belle fin. Tu vois, à l'époque, il disait « Don't ». À l'époque, il disait « Don't Rex and Drive ». Wouh! Donc, c'est bon, ça. Hein? Mais là, c'est comme un film de chien avec aucune leçon de courage. Ouais. Ben, la leçon de courage est pour le chien. T'es pas obligé de te sacrifier pour ton mec. Il joue au basketball, ouais. C'est très 19e siècle. Ouais. Occupe-toi de tes affaires. Hein, ouais. En tout cas, le chien, là, dans mon monde à moi, il aurait été sauvé, le petit gars. Puis là, il l'aurait adopté. Mais il serait mort à la fin. Il serait mort à la fin. Ben oui. Le 10 octobre 1857 dernier, on apprend qu'une compagnie du Tennessee a fait un savoureux vin à base d'un délectable jus de tomate. Les juges ont déclaré que le goût est similaire au champagne, avec une couleur légère et transparente, avec un goût plaisant et savoureux. On leur souhaite un long succès. Une femme d'un proéminent citoyen de Quincy, Illinois, était jaloux de l'attention de son mari pour la servante, a renvoyé donc celle-ci pour une nuit et dormi dans sa chambre. Croyant surprendre son mari, quelle ne fut pas la surprise lorsque l'homme qui entra n'était nul autre que le cocher de son mari. Oh, les femmes. Classic cocher. Ouais, genre hashtag cocher. Ouais, hashtag cocher. Elle était tellement sûre que son mari l'avait trompé, mais non. Cocher, oui, cocher, non. Un loup apprivoisé s'est enfui le 15 mars 1843 dernier dans les rues de Philadelphie et arracha la jambe d'un petit garçon. Il n'était pas si apprivoisé que ça. C'est littéralement écrit comme ça dans la nouvelle, en passant. Les ha-ha? Oui. Ben, c'est tout. Alors, voulez-vous dire un autre? Ou... Oui, attends, moi, j'ai ça. OK. Plusieurs nouveaux clubs viennent de prendre d'assaut la ville de Boston, qu'on lit dans l'édition du Boston Evening Transcript du 25 septembre 1860. Les membres des clubs chloroforment, s'habillent de capes faites de couverture et traînent des éponges remplies de chloroforme. Leur motto, « Béni soit l'homme qui a inventé le sommeil ». Party on! Party on! Wow! Ça, c'est des raves. Ça, c'est des raves. Chloroform! Le gagnant, c'est celui qui se le fait à la fin. Là, il en reste trois, fait que si on veut en garder pour la fin. Là. Ah, il en reste trois pour la fin. Merci beaucoup, Andy. Andy Jacques, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Si tu permets, moi, j'ai une nouvelle un petit peu plus récente. En fait, c'est une nouvelle du futur. Wow! Ce serait le fun d'être une miniature, puis courir là-dedans, puis qu'il y ait comme un géant qui a fait tourner. Puis là... Hey, non, ce serait plate. Ce serait le contraire d'un fun. En fait, c'est que le 7 octobre qui vient, il y a quelqu'un qui s'appelle Andrew, qui est un Américain qui trippe sur Wang Wang et qui en a fait un documentaire et qui se promène un petit peu partout en Amérique du Nord et au monde avec un long-métrage documentaire et plein de tapes inédits du plus petit premier rôle de toute l'histoire. Et le monsieur m'a contacté pour qu'on fasse quelque chose à Montréal. Yeah. Et samedi, le 7 octobre, on va avoir du Wang Wang inédit ici, mesdames et messieurs. Oh, ouais. Yeah. Présentation douteux.org. C'est pas dans notre habitude, mais ce qu'on veut, c'est que le monsieur aille loin et il revienne nous voir. Donc, ça va être 10$ à l'entrée, puis ça va te faire plaisir. Voilà. C'est sûr qu'on va vous réacheter. On va faire ça dans un cadre de foire de l'absurde. Ah, tiens, t'es-tu en train de dire que tu veux t'occuper du vendredi? On pourrait. OK. On pourrait passer. Ah, c'est la genèse. On est dû pour une foire en plus. Je pense que oui. Ça serait la 8e. Moi, je le vois tellement. On va mettre le 8 de côté. Ça va être comme le signe de l'infini. Exactement. La 8e foire. Tout le monde va dire qu'on est des génies. Ça pourrait être un serpent qui se mange à queue aussi. un Ouroboros. C'est fif, ça, ça, c'est fif. Ça fait super elfique, là, Andy. Tu le sais que ça fait elfique. Arrête de... OK, on passe au prochain. C'est comme un cordon ombilical. Bonjour, c'est le numéro d'une activité. Vous appelez une chronique de jazz. On découvre les crackberries ce soir quand même. Tu devineras jamais ce que j'ai fait en fin de semaine. Tommy Colin Vallée, mais qu'est-ce que se passe-t-il dans la Colin Vallée? Ça, que quand tu dis ça de même en partant, ça devient intéressant. Fait que en fin de semaine, j'étais en bobette chez nous sur mon divan, puis j'écoutais les nouvelles. Puis je suis tombé sur des publicités. Un moment donné, j'étais comme... Ben what? J'étais vraiment décontenancé parce que je pensais que mon ad blocker marchait plus. Je me suis rendu compte que j'écoutais la TV. Puis, non, c'est vrai, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça. La dernière fois, c'est parce que mes parents avaient pas trouvé de gardienne. C'était fucking en esti, les films à TQS le soir, à ce temps-là. Mais bref, tu sais, j'étais comme un petit peu pris au dépourvu. Puis ce soir, j'ai le goût de vous présenter un petit peu... mon top 3 des publicités, des types de publicités qui me font le plus hérisser le poil sur les bras. En fait. Je pensais pas que tu t'en allais dans cette direction-là. Non, parce que je me suis rendu compte que j'étais vulnérable quand j'ai écouté les publicités. J'étais tellement plus habitué, mes mécanismes de défense sont tombés. Puis je me suis rendu compte aussi que les publicités actuelles sont beaucoup de basse qualité. Hein. On se force plus vraiment pour nous vendre des choses, en fait. Ben, première... Moi, je trouve qu'il enlève de plus en plus de linge et de livres aux ben, madames. C'est ça. Ben, je me suis rendu compte que, compte tenu que vous autres, vous écoutez plus vraiment de publicité, ceux qui le font encore ont probablement un âge vénérable. Jonathan Simon. Vous voilà. Êtes des héros. Non, mais ben, lui, il me l'a dit tantôt, il écoute plus les publicités actuelles. Il écoute juste le vieux stock parce que c'est comme quelqu'un qui boit du bon vin, tu sais, puis qui est bien âgé. C'était meilleur dans le temps. Caster, non, c'est ça, c'est comme si tous les gens qui écoutent encore la télé avaient deux neurones. Fait que la première publicité sur laquelle je suis tombé, c'est celle de Viagra, la dernière. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui l'a vu. Ah, le gars, il est... Oui, OK. Fin d'histoire courte, il y a aucun contenu factuel dans la publicité. T'as un gars qui est à la pharmacie, il attend sa prescription... Le pharmacien arrive puis il dit « Non, je veux pas celui-là, je veux la vraie marque de Viagra. » Ah ouais, pas le cheap. Et là, s'ensuit une tirade où il fait juste répéter le nom du produit. J'ai compté à peu près une vingtaine de fois que le mot Viagra a été dit. D'ailleurs, j'ai la finale ici. Ah, j'ai réussi à apprendre à transcrire. On a parlé, il me semble, la semaine passée. C'est une loi au Canada, tu peux pas parler de dire le nom du produit et non, dire ce qu'il fait dans la même... Voilà, c'est sûrement pour empêcher les poursuites, parce qu'aux États-Unis... C'est l'inverse, là. Aux États-Unis, c'est pour que tu dises le produit et tous les effets secondaires. Il peut te tuer... Ask your medicine. Ouais, c'est ça, c'est weird. Donc, petite mise en scène. Ah oui, moi aussi, je me demandais à propos de Viagra. Viagra. Moi, je demande toujours Viagra. Juste dire Viagra, ça me fait sourire. Ah ben justement, merci, voilà mon Viagra. Ben oui, comme ça tout le monde est au courant. Le gars dans la foule qui répète Viagra. Viagra. Viagra. Ben oui. Viagra. Viagra. Fait que, dans le fond, le gros punch de tout ça, c'est juste la répétition. T'es supposé, genre, d'avoir le goût de... J'ai déjà hâte que tu fasses au prochain. D'ailleurs, ça fait une semaine que je suis bandé. OK. Ça marche. Non, mais deuxième type de publicité qui mérite au plus haut point, c'est les publicités qui utilisent la souffrance des gens pour faire du capital puis vendre un produit. Comme Télématch. C'est comme un sous-produit de... Moi, je voyais le monde qui souffre, là, comme, mettons, avec le mauvais gant à vaisselle ou la mauvaise brosse. Là, dans en noir et blanc. C'est ça, en noir et blanc. On rentre dans la stupidité pour faire pour vendre. T'sais, genre, ah, moi, je suis pas cette personne-là, je suis tellement plus intelligente, mais j'ai cru de l'acheter pareil. Mais c'est pas ça que je te parle. Non, c'est plutôt... je viens d'avoir un cancer colorectal et je suis en train de mourir. mais je prends le temps de vous parler d'un produit formidable que vous devriez prendre parce qu'on me donne un gros cachet que je vais pouvoir payer après ça mes arrangements funéraires avec. C'est à peu près ce c'est genre quoi de produit. C'est le papillome humain, là, le virus papillome humain. Ils vendent un vaccin pour ça. Le VPH. Le VPH. Puis la fille, genre, a l'air comme sur son lit de mort. Mais moi, maudit café de bonne pub. Mais on l'a tout, ça. On l'a tout, ça. Hein? On a tout le VPH. C'est de plus en plus. C'est de plus en plus. On va toutes les avoir, vraiment. Dernière publicité, le type de publicité qui me dérange, en fait, c'est toutes les publicités de shows d'humoristes ever. Ils sont tous faits sur le même frame. Ils veulent tellement pas vendre un punch qu'on a juste le droit à des réactions finalement. En 2016, non, les gars et les filles, c'est pareil. Oh! Merci tout le monde! C'est laquelle celle-là? C'était celle de l'année passée. Non, mais non, genre. Non, mais non. Après, Tu vois, toi, t'en as fait en plus. Ouais, moi, j'ai juste mis une date de show, puis c'était des critiques de spectacle. C'est fair, c'est fair. C'est la pire des choses que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est Savage, ton show, il y a une couple d'années. Merci. Merci. Merci, Tommy Colin Vallée, mesdames, messieurs. Ah, il commençait à être à l'aise en esti. Hey, il faisait des gestes. On a d'autres à passer. Là, mais... hey. Il faisait des gestes. Comment ça se passe, toi, Julien? Moi, ben, je dis jamais la même chose. T'as choisi Genesis, sais-tu? I can't dance. Sais-tu que Phil Collins, ça y a pris 12 minutes de composer cette chanson-là? Ben, j'en doute pas, mais souvent, les meilleures chansons sont écrites sur une napkin. Hein? Mm-hmm. Elton John a composé tout l'album du Roi Lion en une sac. Quoi, c'est ça? Les non, j'étais pour dire, les Ramones ont composé leur carrière sur une napkin. C'est pas le laps de temps que tu prends sur quelque chose, c'est l'idée, c'est l'inspiration. C'est comme une joke, tu peux pas arriver sur scène et dire riez là, j'ai travaillé 22 heures là-dessus. Ça marche pas. Es-tu drôle, es-tu drôle ou non? 22 heures, ça t'arrive-tu de travailler 22 heures sur une joke? Non, jamais. Je dis ce chiffre-là par. En voulant dire que tu travailles pas longtemps sur une joke, puis elle est pas plus drôle. Ben, c'est comme, mettons, Jésus qui pardonne 7 fois, 77 fois. Tu sais. C'est juste un gros chiffre. Là, ouais. Ben, probablement que le téléphone arabe, c'est au début, c'était juste deux. Les Arabes, hein? Ils ont des téléphones. Non, Jésus avait 4 pains puis 3 poissons. Pourquoi ça s'appelle téléphone arabe? Next, on s'en va au prochain. C'est pas une question, ça. Il y a personne qui peut googler ça nulle part, je suis sûr. Ouais, mais là, c'est parce que. Ah, là, tu me donnes le goût. On est, ouais, moi, avec, j'ai googlé. Allez googler. Ah, fuck it. Bon, il va. Des fois, il nous raconte des histoires. Des fois, il rencontre du monde dans des bars près du métro. Une chose est sûre, Emmanuel Sissingain, c'est un cowboy fantastique. Les crackberries, mesdames et messieurs. Hey. J'ai l'impression que c'est pas Emmanuel. Merci, les crackberries. Non, ce n'est pas Emmanuel cette semaine. C'est moi, Andrew N. Onim. Bonjour, Tony. Bonjour, Randy. Bonjour. Il met une fausse moustache sur sa moustache. Salut, peuple d'endormi. Bonjour, monsieur Tremblay. Vous n'êtes pas sans savoir que le phonème J représente la première lettre dans l'alphabet ancien du peuple sumérien. Hey, la première lettre de notre alphabet étant le A, votre nom serait donc plutôt A-lien ou alien. That's right. Coïncidence? Je ne pense pas. Wow. Il a raison. Cette semaine, je viens vous entretenir de célébrités mortes qu'on croit vivantes et vice-versa. On nous cache la vérité, les croûtés. Quoi de mieux pour oublier notre vie morne et sans histoire que de trouver ce qui cloche hein, dans la vie des gens riches et célèbres, n'est-ce pas, Tony? Calisse que c'est là, ton saut. Tu devrais le mettre comme une fausse... Ça s'en vient. Un faux chauve. Ça s'en vient. Ça ressemble un peu à Meg dans Family Guy. Quand... Alors, donc, oui, Andrew, amène-nous. Alors, vous avez tous déjà entendu que le King lui-même ne serait pas mort. Les informations entourant la persistance de l'Elvis sont monnaie courante depuis son présumé décès le 16 août 1977. Pourquoi, s'il était vraiment mort, est-ce que son nom serait mal épelé sur sa propre tombe? Tout le monde sait qu'il écrivait Aaron, son deuxième prénom, à Elvis Aaron Presley, avec seulement un A et pas deux. C'est évident. Quant à l'autre king, celui de la pop, nul doute qu'il a falsifié sa mort pour se dérober au scandale qui faisait rage dans les années 2000. Sinon, pourquoi y aurait-il exactement 9282 jours entre sa naissance et l'incident qui le défigura lors du tournage d'une publicité de Pepsi le 27 janvier 1984, un incident, soit dit en passant, dont les circonstances mériteraient qu'on s'y attarde? Et vous savez ce qui s'est passé exactement 9282 jours après l'accident Pepsi? Sa mort, exactement. Sa prise de mémoire, plutôt sa disparition, wow. Le 25 juin 2009. Si ça, ça ne vous convainc pas, je ne sais pas ce que ça vous prend. D'accord. Je passe rapidement sur la disparition de Tupac, le rappeur. Tout le monde sait qu'il a été enlevé par des extraterrestres pour être le DJ, leur DJ pour les 1000 prochaines années. Lâche pas Tupac, il en reste juste 979. Et de Whitney Houston, qui a dû être sacrifié par les Illuminati pour que sa fille, Blue Ivy, ça c'est son nom, puisse vivre. Pour me pencher maintenant sur les célébrités qu'au contraire on pense vivantes, mais qui ont été remplacées, soit par des clones ou des doublures. Paul McCartney. Le plus perspicace d'entre vous, comme toi et Tony, vous savent déjà que Paul McCartney est mort d'un accident de voiture en 1966. Oui, oui, les autres membres des Beatles s'inquiétant pour leur carrière l'ont donc remplacé par un imposteur, Billy Shears. Billy Shears, mais oui. La culpabilité les rongeant, ils ont glissé des indices dans leur art, comme le thème des funérailles sur l'album Sgt. Pepper, ou la phrase « Paul is dead, miss him, miss him », que l'on peut facilement entendre lorsqu'on écoute A Day in a Life à l'envers. C'est vrai. Certains sites web affirmaient en 2015 que Ringo Starr aurait confirmé la supercherie en entrevue, mais tout le monde sait qu'il ne l'aurait pas fait parce qu'il aurait été éliminé comme son collègue John Lennon. Moi, j'aime ça quand tout le monde est au courant de ce que tu nous racontes. De même, Avril Lavigne est morte après la sortie de son premier album Let Go en 2003, au sommet de sa gloire, suicidée à la suite du décès de son grand-père. Son amie et sosie Melissa Vandella a donc pris sa place depuis, ce qui explique sa voix de plus en plus différente, son autographe changeant et son nez différent. Toutes des choses qui ne peuvent absolument pas être associées au passage du temps ou à la chirurgie plastique, Tony. Puis le fait qu'elle sort, qu'elle marie Chad aussi. Là, c'est, et voilà. Ouais, la vraie Avril aurait pas. Nous ne sommes pas dupes, les crottés. Les indices sont là. Le deuxième album de la présumée Lavigne s'appelle Under My Skin. Autrement dit, je ne suis pas celle que je prétends être. L'imposteur alla même jusqu'à poser sur une photo avec son véritable nom, Melissa, écrit au crayon feutre sur la main. Là encore, je ne vais pas m'attarder sur les cas de Megan Fox, que le gouvernement a remplacé plusieurs fois par un clone de plus en plus atavique. Regardez-lui à face. Miley Cyrus, qui est morte d'une overdose ou peut-être tuée par une corporation en 2010, est remplacée par une imitatrice. Et Eminem, qui a été remplacé suite à un accident de voiture en 2005. Et je cite Robbie Lowden sur son blog Le Lowden Truth. Il a été remplacé par un clone homosexuel sataniste vendu qui endoctrine la jeunesse en esclave du New World Order. Ça ne s'invente pas des prétentions du genre, Tony. Non, ça ne s'invente pas. Ben c'est vrai. Ça ne se google pas non plus. Parlant de pas d'invention, quant à moi, les embrumés, je vous affirme que Dominique Michel est mort depuis belle lurette et remplacé par un triumvirat secret dont je tairai l'identité par peur de représailles, qui contrôle l'humeur du peuple québécois depuis des décennies. Les H.A., humoristes assemblés pour l'heure de l'apocalypse. Ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois qu'il a dit que c'était son dernier bye-bye, gnic, gnic, c'était son dernier bye-bye. Wow. Mais pour continuer à amuser et à endormir les masses, l'achat a éliminé la dodo originale pour la remplacer par un clone plus coopératif qui, à son tour, éventuellement se rebellait contre ses maîtres dans un cycle qui a cessé pour le moment. Rappelez-vous ces paroles lorsqu'on va ressortir Madame Michel pour le bye-bye 2034. C'est tout pour cette semaine. Dans ma prochaine chronique, je vous apprendrai à décoder les malaises apparents et les fautes typographiques aberrantes dans la section Métro Flirt pour découvrir des messages transmis par les Saturniens à leurs agents qui vivent parmi nous. Sinon, comment expliqueriez-vous ceci? Victoria Square, direction Montmorency, nous avons rencontré aujourd'hui, mardi soir, après 21h, dans la station de métro Victoria Square. Je suis grand dans une veste. C'est charmant blonde. Vous m'a offert un siège. Je suis très prochaine station. Je veux voir une fois de plus votre sourire. Écris-moi. Il y a des codes là-dedans. Je suis après vous, les Saturniens. Et voilà. Merci beaucoup, Andrew. Mais il tient quelque chose. Il y a, Andrew, ben oui, ben il y a des affaires qui se passent qu'on ne sait pas. Il tient quelque chose. Des fois, tu vas pêcher puis tu te pognes dans le fond aussi. Ça. Il y a ça. Mais est-ce que c'est dans le fond, ça, de penser que le cœur de pirate, c'est une des deux frères? Ah! Ce sont pareils. Moi, je suis sûr, par contre, qu'elle ne se serait pas appelée de même si Johnny Depp était plus lettre. Penses-tu? Je suis sûr et certain. Le cœur de pirate? Ouais. C'est ma prédiction. Mais je peux pas imaginer un monde que Johnny Depp y est là. Mais non. Je tiens à dire que moi et Julien, on a cherché sur Wikipédia. Ouais. Et donc, le terme téléphone arabe est en référence au fait que le bouche à oreille est supposé être un moyen de communication plus répandu dans le peuple arabe. Il est également appelé le passe-parole, le jeu du téléphone, la rumeur ou le bouche à oreille. Moi, je veux pas être. C'est quoi le bouche à oreille? C'est de se parler, là? Oui. Mais c'est le monde faisait plus ça en arabe. Non, c'est pas que c'était là. Oyez, oyez, oyez, faites la file, je vais vous passer les informations un après l'autre. Moi, j'ai googlé téléphone arabe, puis ça me montre comment faire un téléphone qui explose dans Ouais. C'est la magie d'Internet, on en parlait tantôt. C'est le seul cliché que je vais faire ce soir. Je pense qu'on est. C'est le seul cliché. Est-ce qu'on aille un meter? Ouais, ça, on aurait sorti une meter. Allez, let's go, on passe au prochain chroniqueur, les Crackberries. Sont cinglés, tellement beaux. Oh ouais, ils sont au prix de dope. Dans le fond, c'est 80% crack, 20% berries. C'est ça. Exactement. Mais il connaît, je pense. Let's go! C'est Simon, les portes-lances, ce qui arrive pile poil. C'est Simon, les portes-lances, ce qui arrive pile poil. C'est Simon les portelades, ceux qui arrivent les pile poil. C'est Simon les portelades, ceux qui arrivent les pile poil. Hey, Simon les portelades, nous nourrir. Bonjour. Wow. Salut Simon. Hey. 20 changements dans ma vie depuis une semaine, Tommy. Les gens qui me connaissent bien savent que depuis approximativement 2011, je me nourris quasi exclusivement de poutine, de hot dog, d'hamburger. En fait, tout ce que tu trouves chez McDonald's. La trentaine s'en vient, fais attention. Attention, c'est là que attache mon chemin de croix, là, ça s'en vient. Le monde qui me connaît savent ça, sauf que, hélas, la semaine dernière, grand changement dans ma vie, j'ai décidé de changer mon alimentation et de faire attention à ma santé. Wow. Bravo. Il me semble que tu en avais parlé l'année passée. Oui, mais ça, c'est un échec lamentable. ça fait une semaine, je suis tombé dans le poutine. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire de différent pour que ça marche cette fois-là? L'année passée, ma stratégie, c'était d'arrêter ça du jour au lendemain et de ne plus jamais y retourner. Grave erreur, ça n'a pas donné grand-chose. Mais tu vas diminuer après. Ouais, est-ce que tu es perspicace? C'est du Colombo. Non. Là, ce qui est arrivé, ça, je me suis dit, je vais continuer d'aller chez McDonald's, mais au lieu d'y aller, genre, 7 fois par semaine, je vais y aller une fois, genre. Ah, c'est cool. Comme une ration. C'est ça. Ce que j'ai trouvé. Hey, là, il est arrivé des grandes affaires. Essaye de ne pas prendre le trio aussi, parce que ce qui est le moins bon pour la santé, c'est la liqueur. C'est tout vrai. Le temps ça. Fait que tu prends tes glacés à la place. Non, c'est l'eau. De, ben non. De l'eau. Pourquoi ça serait meilleur? Parce que ça pétille pas? Ouais! attention, j'ai découvert deux choses cette semaine. Des fruits, c'est autre chose qu'une décoration chez ma tante. Des légumes, on trouve ça ailleurs que dans la salle à manger chez PFK. Sinon, ah oui, mais là, il m'est arrivé plein d'affaires. Parce que ça, je me suis dit, j'ai réparé mon vélo. Je me suis dit, je vais faire de l'activité physique. Comme ça, hey, je vais perdre du gras un peu. Je vais en refaire du bike, tout. Puis là, je le repark. Le lendemain, j'arrive pour en faire. Devine quoi? Le tire est dégonflé. Oh. Hey! Ils ont volé l'air du tire. Ouais. Ouais, mon principal soupçon, ça doit être le gérant du PFK, Jarry, qui est en tabarnak que je mange plus dans son restaurant. Il a dit, oh, ouais, il est venu péter mes tires. Hein, il va revenir. Finalement, je ne retournerai jamais. Ça allait être très impossible, tout ça. C'est magique, moi, je me crois. Après ça, hey, un autre bâton dans mes roues. Hey, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. Après ça, si je me dis... Ah oui, c'est vrai, là, après ça, si je m'en vais au marché Jean Talon, tout, je découvre, si il y a des fruits à air ouverte. Ouais, j'achète ça, si j'amène ça chez nous. J'ai découvert que dans les fraises, il y a du sucre. Ça, c'est le fun. Puis sinon, j'ai trouvé un truc. Quand j'ai envie de manger du McDonald's, je me suis acheté une bouteille de sauce à Big Mac à l'épicerie. Là, j'ai la vraie, je m'en crisse dans la gueule. Fait que ça, c'est ton virage santé. Ouais. Shooter sauce. C'est hot, hein? Hey, mais check ça, hein? C'est pas du gros, ça, je me demande bien ce que c'est, hein? C'est une trentaine qui est sur le bord des classes. Début de la trentaine. Quel âge tu te donnes, Tommy? Ben, je sais pas, 26? Hein? Ah, 24. C'est pas loin. Quel âge ont les gens qui accouchent d'une tingue à eau chaude? 42. OK. C'est mon guess. Fait que c'est ça qui est arrivé. Sinon, je vais terminer ça. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Que, ben, tantôt, je suis allé au Central Bergame, mais j'ai pédalé pour m'y rendre 6 km. J'ai mangé des frites. C'est bon, ça. C'est correct, mais là, tantôt, je vais manger des fruits. Ouais. Fait que c'est correct, t'alternes entre les deux. Sinon, une petite recommandation télévisuelle. J'ai découvert, j'ai découvert, je savais que ça existait, mais j'ai commencé cette semaine à écouter l'émission La Croisière Folle Amour, qui met en vedette Les Musclés, hein, mon groupe préféré. Oh non, non, non, non, non, non! Là, j'ai commencé à écouter mais ça. Mais là, il n'y a plus rien après, là. Je pense qu'ils ont un film, puis... Ils ont deux sitcoms. Il y a Salut les Musclés, qui a ses 262 épisodes. La Croisière Folle Amour, c'est 161. Il se passe quoi pendant 262 épisodes? Hey, c'est vraiment hot. Il y a un épisode dans La Croisière Folle Amour, ce qui est bien particulier, c'est qu'il y a deux extraterrestres dans le bateau. C'est comme les musclés sont achetés un bateau, puis ils se sont dit, on va faire des croisières, on va embarquer des filles dans notre bateau, puis on va essayer de coucher avec. C'est à peu près ça qui se passe. Mais c'est jamais dit. 160, t'as bientôt fini. Oui, je termine ça avec mon épisode favori que je vous recommande, l'épisode numéro 12, Les Pantalons. Résumé vite, les pantalons des musclés disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Les musclés sont tous en petites culottes avec des cœurs, là, des sharps de même. Là, ils sont tous gênés, ils essayent de se cacher comme ça. Là. Puis là, éventuellement, eux autres capotent, là, ils s'en rendent tout compte un par un que « Oh non, mes pantalons ont disparu! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus aucun pantalon dans ma commode! Oh là là là là là là! J'étais en train de faire de la bouillarise, hein, et je suis poussé une petite chansonnette et « Oh non, je me suis rendu compte de mes pantalons! Mais, oh là là là! » C'est super bon! Puis éventuellement, tout ça n'était que... Je vais vendre le punch parce que c'est trop drôle. C'est une des deux extraterrestres qui a fait disparaître les pantalons parce qu'elle voulait voir comment ils réagissaient, parce qu'apparemment que les terriens essaient de cacher certaines parties de leur anatomie. C'est ça qu'elle dit mot pour mot. Elle fait des recherches. C'était des recherches extraterrestres de cacher des pantalons. Là, à un moment donné, papy René, il dit « Oh, une chance hein, qu'on a encore nos sous-vêtements. » Puis là, elle décide d'enlever les sous-vêtements. C'est super drôle. C'est vraiment drôle. Décalisse. Merci. Simon Portalance, mesdames, messieurs. Il va être là la semaine prochaine encore pour parler de comments avec... C'est bon. Ah, ça, apprécié, hein? Les musclés. D'ailleurs, moi, cette semaine, il est arrivé quelque chose d'important et de conséquent. Ça faisait plusieurs années que j'attendais après ça. Et Samurai Jack a finalement réussi à la remettre dans pleine face de Haku. Et donc, peut-être que Maxime? C'est Maxime? Non, c'est pas lui. C'est Maxime? Ah non, c'est pas Maxime. C'est Huot. Non, désolé. Aïe, aïe. Reviens, man. Ben là, ça cause du spot. Bon, mais arrête. Mais anyway, à coup, il a perdu finalement. Samurai Jack a gagné. Enfin. Fait que je voulais en parler. Oh, on applaudit Samurai Jack. Là, c'est spoiler. Ouais, ouais, le gentil gagne à la fin du comic pour enfants, ouais. Ouais, mais il a pas gagné dans la première. Batch. Non, ben c'est ça, là, ils ont fini ça. Là. C'était 10 histoires, ça faisait 13 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveau Samurai Jack. Ils ont fait 10 épisodes de 22 minutes pour expliquer comment ça se finit, puis ça finit mal, mais bien. Bon. Mais mal. C'est son père. Non, c'est à cause de sa blonde. Il dit qu'il l'aime, puis là, ça sauve tout. Mais là, il y a un paradoxe temporel, puis on passe au prochain chroniqueur. Hey! Oh oui, Damien, Blaise Bouchard, il fait des chroniques bizarres. Ah oui, mon Damien, Blaise Bouchard, il fait des chroniques, il fait des chroniques bizarres. OK, bon, Damien n'a pas pu être là aujourd'hui, alors j'ai décidé de le remplacer. Puis, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben moi, c'est Serge. Et puis après un long voyage en Orient, en fait, je me suis dit que ça serait bien de vous exposer, en fait, ce que je fais un peu au jour le jour. C'est-à-dire que je suis mancien, c'est-à-dire que je lis, mais je suis aussi, comment qu'on dit main en latin, quelqu'un? Manum Mancien. Non, je... Manos. Manos Mancien. Donc, ça veut dire je lis les mains. Ah, ok. Je suis capable de lire très bien. Et pour faire un bref historique, en fait, avant, les gens ne lisaient pas les mains. En fait, ils lisaient surtout les journaux pour savoir qui était la personne. Et s'il y avait quelqu'un qui avait, par exemple, écrit un journal intime, alors c'était très facile de savoir c'était qui. Donc, dorénavant, c'est de plus en plus difficile de savoir c'est qui les gens vraiment à l'intérieur. Donc, je sens qu'il y a un petit malaise, et puis... Mais reste que, avant, j'étais danseur, et puis c'est devenu de plus en plus difficile de m'exprimer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'expression. Puis, je voulais un peu vous montrer un peu qu'est-ce que je fais ce soir avec ça. Donc, je vais tasser un petit peu le train, puis... Intra-expression. Intra-expression, c'est un terme que moi-même, j'ai pas inventé. Mais que j'utilise souvent pour décrire un peu ce que je fais. Donc, si les gens peuvent arrêter de manger, je vais... Merci, Elise. Alors, est-ce que je peux avoir une main? Est-ce que je peux avoir une... Non, mais si je vois la personne... Okay. Ah, ça, c'est une belle main. Déjà là, bon, il y a 5 doigts. Donc, on sait que c'est un humain. Vous savez que... On est à 99% condensé en eau. Et ça, la plupart de l'eau qu'on a dans le corps, ça se ramasse dans les mains. Vous savez aussi, il y a 92% de chances que dans une autre vie, on est un chameau avant. Donc, si vous regardez bien ici, la ligne ici, la ligne de fragilisation, ça expose en fait que cette personne-là est un chameau dans une autre vie. OK? Déjà là, on a le cercle qui fait le haut de OVNI. OK? Et si on divise le cercle en deux, en fait, ça fait deux triangles rectangles. Donc, hypoténuse, 1, 2, 3, 4. On est rendu. D'après moi, cette personne-là, si je tâte sa main, ben là, ça, c'est une prise de jiu-jitsu, mais si on le fait l'autre bord. Si je tâte sa main, je dirais que cette personne-là, c'est une personne très sensible, puis qu'elle aime pas ça qu'on la chatouille. Donc, on va commencer par ça. Donc, la main réagit, mais si je touche encore la main, je dirais que c'est une femme. A priori, c'est une grande brune. Une grande brune, je dirais qu'elle est lesbienne et qu'elle aime ça aussi lire Harry Potter. En fait, elle a lu la série de Harry Potter 2 fois, les 7 livres, mais elle n'a jamais lu le dernier chapitre parce qu'elle n'aime pas les épilogues. Donc, je dirais aussi que c'est une bonne amie de Marie-Carmen, la grande chanteuse québécoise. Donc, sans plus tarder, on va rencontrer cette personne mystère. On ne sait pas c'est qui, mais elle va nous montrer maintenant c'est qui. Donc, main, peux-tu sortir en entier? Ah ben, regarde, oh ben c'est Tommy Golin. C'est Paris. Mais c'est parce qu'on se connaît. Mais je me suis trompé. Mais ok. Mais tu peux aller t'asseoir, merci beaucoup, merci. Tu t'es un petit peu trompé. Je me suis juste un petit peu trompé, mais. Mais peut-être que c'était un chameau dans le temps pour vrai. Peut-être que c'était vrai. C'est peut-être peur, que c'est pas vrai. On est en train d'assumer que c'est un homme. Puis. Boum! Ben, on sait qu'il est père d'un enfant, fait que. Bon, en terminant, je vous avais préparé une petite danse, mais je vais faire seulement les deux premiers mouvements. Alors, pour lire les mains, OK? La première affaire que tu veux faire quand tu lis, t'ouvres les mains. T'as une imprimante dans ton cul. Hein. Tu vas à 90 degrés vers la gauche, tu retrousses ta main vers le bas, et là, tu tournes vers le ciel. Et là, au moment où tu regardes en haut, tu fais un grand sourire. Et c'est là que tu reçois ton pouvoir. Merci, Serge. Ouais. Ça, bon, ouais. Et qui ne veut pas avoir de pouvoir? C'est surtout si tu veux brancher ton ordi. Ben c'est ça, c'est vrai. Toi, c'est quel le pouvoir que t'aimerais avoir? Moi, j'aimerais que quand on me lance des clés, que je les attrape. Ça en est un bon, ça? C'est un. Bon. On pourrait y aller avec tout, dans le fond? Pas juste... Non, moi, ce serait ça. Moi, à chaque fois qu'on me lance des clés, je les pointe pas. Tu serais le meilleur. J'aimerais ça, être capable de juste pour faire... Ah ouais, non! Puis des manquer. Je comprends. Un briquet. T'as-tu l'impression que ça t'a déjà coq-bloqué, genre? Je ne sais pas si ça m'a encore bloqué. J'ai jamais essayé de creuser en disant « Hey! Check-moi tes clés! Check-moi ça! Lance-moi une clé! Hey, toi, lance-moi tes clés! » Non, mais des fois, c'est du non-dit, tu sais, la fille, elle regarde, là, toi, tu demandes les clés. T'imagines-tu le body language quand t'es attrapé? C'est vrai. Puis même, il y a des aveugles qui peuvent, ça fait du bruit. Ah oui, il y a un sonore. Tu sais qu'il y a des Pokémon qui sont vendus des trousseaux de clés. Oh, fuck you! Je confirme. T'aimes-tu ça, les Pokémon Fairy? Non. OK. D'ailleurs, avant qu'on continue dans l'émission, Andy, si on peut-tu se rapprocher un petit peu de notre artiste, Sylvain Savard? J'aimerais avoir une... Approche-toi de lui. Ouais, toi, approche-toi. Je passe quoi avec? Il faut que tu amènes le micro pas loin parce que je vais parler. Mon micro, il se rend pas, man. Ah, ben... Mon micro se rend pas à moi. Ah, ben tiens, on va prendre le micro. On va prendre le micro de Julien, on va switcher. Et voilà, Sylvain s'en vient. C'est la tienne, ça va bien aller. Ah, il se lève. Ah, ben, Sylvain, ça va, mesdames, messieurs. Allô, Sylvain. Tu peux avoir mon micro, toi? Ben oui, peut-être que tu peux montrer ta petite affaire à tout le monde. T'es en train de nous dessiner ça, guérilla, comme dans le temps. C'est pas fini, mais. Ouais. C'est un genre de. Une bébite qui célèbre le 9e. Bravo. Ah, tu nous fais un dessin pour notre fête. Ben oui. Ah, c'est cute. Ah, y a-tu un frigidaire qu'on peut le mettre dessus? Ben, on va trouver ça. En macaroni. Puis sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur artistique et cofondateur de Outer Minds, une compagnie de jeux vidéo québécoise qui existe depuis seulement 2 ans. Hey, eSport va très bien au Québec. C'était très petit. Ça commence tranquillement pas vite, mais il y a des gaming cafés un petit peu partout. Ouais. Moi, je suis Diamond Gaming sur Facebook. Oh, nice. Là, le prochain jeu, j'ai entendu dire que chez Outer Minds, vous étiez pour faire un poker en ligne. Non, c'est un idle game. Un match 3, hein? C'est un idle game. Mais sinon, Sylvain, on est très content de t'avoir avec nous. C'est vraiment gentil d'être sorti de tes habitudes de travail habituelles pour revenir un petit peu dans comment tu travaillais avant, sûrement. Ouais. On est très content de. Un petit dessin comme ça, puis voilà. Transformé en pixel art. Bon, ben, puis ce dessin-là va être vendu à l'encan tantôt. Sylvain Savard, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mais au Québec, on est prêt au bon moment pour le e-sport. Là. C'est peut-être ça qui va prendre son envol. C'est des gens qui sont assez capables d'avoir de l'entrepreneurship pour tenir ça à aller, comme vous l'avez fait pendant 9 ans. L'e-sport va se tenir en santé. C'est nous autres, ça. On est là-dessus. C'est... Merci, Julien. T'es-tu prêt pour le prochain chroniqueur? Moi, je non. Est-ce que tu fais tes cheveux tout seul ou t'as quelqu'un qui s'occupe de ça? Avant, c'était ma blonde qui me coupait les cheveux. Là, c'est moi qui les coupe tout seul. OK. Ça a l'air de bien aller. Pour vrai? Ouais, ouais. Je pense que c'est la première fois que je parle de coupe de cheveux avec un invité. C'est vrai, ouais, c'est weird, ça. Je suis vraiment à l'aise avec toi, Julien. Ils sont farfelus, j'en conviens. C'est bon, ça. T'es-tu chatouilleux? Oui. OK. On passe au prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Mec, t'en marche pas, man. Si mon cul sonnait! Si mon cul sonnait! Si mon cul sonnait! Si mon cul sonnait! Si mon cul sonnait! Attends, là. Oi, anarchie. Ouais, c'est cool, ça. Merci, les boys. Les Crackberries, là, ils ont une guitare de Guitar Hero. Êtes-vous tuné en bleu? C'est pas une guitare de Guitar Hero, c'est Fisher Price. Man, elle est cool ta guitare. Ouais, vraiment hein. Cool. Là. Mais c'est du bleu mineur, gros. C'est bleu mineur, c'est ça, c'est bleu mineur. Ouais, c'est ça, je cherchais. Il semblait aussi quoi, le ton, ouais. Il est accordé en bleu mineur. Ouais, ouais, toi, ouais. T'es musicien, toi. Ah ben ouais, j'ai gratouille. Je pense à ça. Tu fais des enveloppes assez grandes pour les MacBooks. Tu pourrais mettre ça avec ton... Salut, je repasse. Première vidéo québécois qui a fait. En tout cas, on va retourner voir. Allô, si non, ça va. Ça salut, va, Simon Cussonnet. On est content de t'avoir avec nous. Ça roule. Je vois que t'invites un peu n'importe qui. Ouais, non, pas toi. On se connaît pas. Mais puis, bah, bonjour d'ailleurs. Parce que, hein, politesse. Les valves sont très dilatées. Non, non, je te parle au niveau de tes chroniqueurs. Il y a un chroniqueur triplement moustachu qui a parlé d'un sujet dont j'allais parler ce soir, mais il n'est pas rentré dans les détails. Parce que parmi mes nombreuses capacités, je suis aussi cofondateur du site Mensonges et Constellations, un site de conspiration. Mais si tu mettais conspiration à la page de Constellations, bah, ça faisait louche. Donc on a mis Constellations parce que ça fait plus. Voilà. Et oui, c'était un garçon, c'était une fille. Puis-je le faire encore plus évident? C'était un punk, elle passait le balai. Que puis-je dire de plus? Avril Ramona Lavigne, née en 98, gagne un concours de chant qui la propulse avec son premier album, Let Go. Ça, c'est clair. Ton pote, il l'avait dit, mais est-ce qu'on savait que son grand-père était québécois? Moi, je ne sais pas. Oui, Maurice Yves Lavigne, il s'appelait, figurez-vous. Et voilà, donc évidemment, donc il a vendu le punch. Quand elle a eu la célébrité avec Let It Go, c'est Frozen, je crois, je confonds toujours. Ouais, un peu, hein, c'est ça. Et elle pouvait pas supporter les paparazzi, donc elle appelle Melissa Vandela à son secours, une fille qui est exactement la même. Et donc ça marche, c'est super cool, elle gagne plein de pognon, elle est riche. Elle gère pas les paparazzi, donc elle envoie Melissa Vandela faire des conneries. Et pendant l'enregistrement du deuxième album, Maurice Yves Lavigne décède. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et ça rend beaucoup triste, Avril Lavigne. Et c'est là que commence cette magnifique théorie que j'aime beaucoup et qu'on aime discuter avec les copains du site. Et elle tombe dans une dépression et met fin à ses jours en se pendant en 2003. Oui, exactement. J'y crois aussi. La compagnie de disques, malgré tout, décide de sortir le nouvel album, mais avec la jumelle maléfique Melissa Vandela. Il n'aurait pas fait plus d'argent s'il avait dit qu'il était mort et c'était son dernier album, me semble. Mais à long terme, il n'y aurait pas pu en faire d'autres. Là, il y en a d'autres, là, avec 100 000. Vous avez un bon point, les gars. Et l'album Under My Skin, sorti en 2004, est lancé. Mais au Brésil, on ne mange pas de ce pain-là, figurez-vous. Et le fan club brésilien d'Avril Lavigne commence à dire « C'est pas Avril Lavigne, c'est quelqu'un d'autre !» Et arrivent les photos qui comparent les grains de beauté de la chanteuse sur le bras, parce qu'elle en a trois là, et puis en fait elle a une tache ici. Une constellation elle... d'ailleurs. Oh, ouais, mais si tu relis les points, ça fait un voilier. Et donc il check, il y a des photos qui circulent, et il y a aussi des comparatifs de voix aussi que j'ai amené d'ailleurs, parce que j'ai été creuser ça loin. Cher DJ qui s'appelle Olivier, peux-tu mettre la track numéro 2 s'il te plaît? Merci. Là, on a la voix originale. Oh là, un problème de fil. C'est un mono. Et là... Non, c'était pas ce morceau-là, c'était l'autre, s'il te plaît. Je me suis chié. Veuillez excuser ce problème technique, vous êtes à 70%. Voilà. Donc ça, c'est Complicated, l'original. Écoutez bien la voix. La seule, la vraie Avril. Et là, c'est le clone. Beaucoup plus aigu, moins posé. On ne l'entend pas à cause de ce défaillant fil, mais c'est vrai. Et donc arrive en 2013 le sample Hello Kitty, qui, je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique vidéo. Ouais. Oh là là. Avril Lavigne est morte à l'intérieur et elle fait des trucs avec des trucs japonais, puis c'est... Elle a acheté de l'innocence outre-mer. Mais elle a fait une phase Gwen Stefani, là, qui ouais. A fait la même phase. Voodoo Girl. Exactement. Et là, elle a fait une phase vide en dedans. Et donc, quand elle donne une interview en Brésil en 2014, La question arrive de la théorie et elle fait ah, non et on lit dans son regard que c'est vrai, nom de Dieu, c'est vrai de vrai. Parce qu'elle trouvait la personne qui posait la question conne. Exactement. C'est vrai. Elle est cachée au Brésil. C'est vrai. Exactement. Et comme j'aime faire un hommage suicidée, au cachée au Brésil. Là. Exact. Ok, c'est bon. Et comme j'aime faire un hommage aux célébrités décédées. C'est vrai. Comme la dernière fois avec Lolo Ferrari. Oui. Je vais demander aux Crackberries de me faire un fond et j'ai fait un slam. En hommage, parce que si on parle de théorie du complot, on parle de date théorique de décès. Et théoriquement, ça pourrait être aujourd'hui. Donc cette date théorique du complot du décès d'Avril Lavigne, c'est compliqué, j'ai même pas compris ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes prêts, mes chakras? Non, mais on va y aller pareil. Vous êtes magnifiques. Pour l'instant, ça s'appelle 3-4. 3-4. J'ai écrit ça aux toilettes il y a 5 minutes. Et toi, je n'aime pas ta meuf. Et toi, je pense que tu en as besoin d'une nouvelle. Et toi, je pourrais être ta meuf. Tin. Et toi, je sais que tu m'aimes. Pas de passage. Tu sais que ce n'est pas un secret. Et toi, je veux être ta meuf. Merci beaucoup. Et en hommage à Francis Lalanne, je dirais ceci à ces maisons de disques. Vous, rond de cuir, rendez-nous Avril Lavigne, la vraie, même si elle est morte. Pourquoi tout le monde lance le Il y a beaucoup de mic drops. Mais qu'est-ce que t'as fait à notre 70%? On l'a débouchonné, on l'a mic droppé. On parle d'Avril Lavigne. Ça apprécie, hein? Tu fais-tu à ça, ces affaires-là, toi? Ben là, on me dit deux fois, fait que c'est comme les médias, hein? Tant qu'on dit, confirmation. Ouais, tant qu'on le dit, ça va devenir une vérité. Ça tombe bien, j'ai une nouvelle là, d'Avril Lavigne en 1849. Ouais, c'est ça. C'est Jules César qui a dit ça à Goebbels dans le temps. À un moment donné. Tu dis quelque chose assez souvent, à un moment donné, tout le monde va penser que c'est une quote de Mark Twain. Oh, c'est bon, ça. Il a dit aussi racheter des croutons dans ça. Oui, aussi. C'est important. N'oublie pas d'acheter du lait. On est-tu prêt pour le prochain? Je pense que oui. Ah, j'ai hâte. Toi, t'es à l'aise? Monte donc ton... Ça t'offre, ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu me sens? Tu parles ouais, des cheveux? Ouais, t'as drisé. Il y a l'air de t'offrir, ça. T'as-tu mon vintage Batman shirt? Je l'ai mis juste pour toi. Il est vraiment beau. C'est vrai? Je peux te toucher. Ben là... Ok, on est prêt pour le prochain. C'est pas trop Richard, on savait pas que t'allais venir. Je savais que. On s'entorche un peu, t'es juste ouais. Richard. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais me permettre de mettre de la dope dans mon bandeau. Richard, c'est terminé la chanson. Aïe! Waouh! Bienvenue, monsieur Sévoy. Ouais, ça c'était parfait. Non, mais je m'attendais pas à avoir un thème, j'étais pas supposé. C'est capoté, hein? Oui, c'est comme vraiment bizarre. La vie va vite. Je l'ai dit souvent, mais quand je viens ici, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Non, mais moi, j'écoute le show au ralenti chez nous en diaporama. Des fois, je l'écoute en diaporama pour essayer de comprendre. Essaye les acétates. Non, mais c'est le PowerPoint. Parce que c'est comme s'il y avait plusieurs sens aux chroniqueurs, aux chroniques. Ouais, c'est comme une première lecture, il y a comme un huitième niveau. Ouais. Là, on est rendu dans le... Avril Lavigne, là, j'y crois ce soir. Je croyais bien. Mais non, mais comme Julien le disait, quand tu sais, une fausse nouvelle, quand tu l'entends plusieurs fois, c'est comme... Ils se sont pas parlé, eux autres, là, pour parler de ça. Mais non, ils se connaissent même pas, les deux. C'est sûr. On fait attention à garder chacun de nos chroniqueurs dans des pièces différentes. C'est sûr. Ça trendait sur Twitch. Non, mais c'est juste pour dire que la semaine prochaine, je vais être ici comme invité pour la troisième fois. Oui. C'est que la semaine prochaine... C'est vraiment un honneur. C'est là, vraiment... ça va plus être ton show, dans le sens que là, tu vas être assis à la place de Julien. Et tu vas avoir tes amis, les justiciers masqués, qui vont parler de comments. Puis on va être VJ à la place de l'autre Julien aussi. Ouais, c'est vrai, ça va être important. Mais c'est drôle, je connais deux Juliens au monde, puis les deux sont ici. C'est malade, hein? Oui. Hey, salut Julien. Tu sais, même si c'est mon ami André G. Duchamp qui fait les voix sur. J'ai juste écouté deux fois un super presque parfait, pas deux. La semaine de Julien et ta semaine. Oh, arrête. Puis j'ai réalisé que j'étais encore plus mauvais en bouffe que vous deux. C'est abominable ce que moi, je peux ça faire. Ça m'a enlevé le goût de cuisiner, ça me tente plus. Non, mais moi, je fais juste comme. Je me fais des toasts avec une tranche de fromage chez nous. Ah, rien d'autre. C'est... Mon garçon est ici. C'est vrai? Okay. Mais, non, non, mais. On parle moins de mescaline que d'habitude. Non, mais c'est parce que là, il. C'est vrai. Mais il est petit l'autre bar. Je sais pas si quelqu'un va aller le chercher, il s'appelle Patrick. Ouais. Simon, tu peux y aller? Sinon, ben, j'ai parti le trend sur Facebook. Ça nous prend 1000 likes pour que Richard refasse pousser sa moustache. En passant, tout le monde, allez liker son statut. Mais bon, on est rendu à 8. Non, non, on est à 280, presque 300. Il faut liker le post original. Si je fais tout le total partout, on est à 1800. Mais je prendrai pas trop de temps parce que je suis pas comme un chroniqueur officiel ici ce soir. Ben, c'est pas grave, on est content de te voir. D'ailleurs, tu sais que la semaine prochaine, on va chanter, on va danser un slow. Hein? Ah, il est là, c'est ça. Patrick, mon garçon Patrick, est ici. On le salue. Parce que les dernières fois, j'ai beaucoup parlé de drogue. Mais là, ce soir, je vais pas en parler. Mais je l'ai-tu compté quand mon garçon m'a sauvé la vie? Oui. Non, toutes mes anecdotes, je les ai comptées 8 fois. J'ai plus rien à raconter, j'ai plus rien à dire. Non, mais est-ce que vous allez faire un album à vendre 2? Non. Hey, je l'ai jamais écouté, j'étais pas capable d'écouter. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Là, t'entends quelque chose qui déchire. Il dit, j'étais en train de déchirer la chemise à Richard. OK, continue, moi, je vais déchirer ses pantalons. Je l'ai jamais écouté. Ah ouais, faites-toi ça. Niaisez-vous quand vous dites qu'il y a des bonnes affaires. Ça, on n'est pas d'accord sur tout, Richard. Le vol dans la banque est comme un téléthon, c'est génial. C'est quoi le gag? Le vol de banque, c'est que c'est un téléthon, mais un vol de banque. Ouais, fait que là, ils vont voler. C'est 2 fois 200 000. Ouais. Ah, j'aurais dit aussi de rajouter des calculs. Je me sur les ninjas là-dessus. Là. Non, c'est pas vrai. Je me rappelle pas pantoute. Pas du tout. Ah, ben, c'est ça, juste, je présentais mon garçon qui fait des affaires dangereuses dans la vie. C'est que ceux qui étaient ici la semaine passée, écoutez pas. Là. Mon garçon revient de faire un documentaire, un film où il a suivi des réfugiés syriens du Liban à la Grèce, à l'Allemagne. Il est revenu... Ça ne tentait pas de suivre les Québécois qui ont appris le français avec Rouge FM? Je l'ai vu dans le journal, ils ont appris le français. Fait que ça fait des Syriens québécois qui sont toujours en train de dire « Bonjour, ça va bien? » Il fait 2 degrés. C'est très bon. On va écouter Cœur de pirate. Fait que c'est ça, je l'ai compté, mais qui était pas là quand je l'ai compté? Moi, je veux l'entendre. OK. Ton fils a sauvé la vie, parce que j'ai à peu près 8 anecdotes que je fais à chaque fois que je viens ici. Mais on a le temps. Celle-là, je pense que ça date de la toute première fois. Tu peux. Non, mais il y a quelques années, parce qu'habituellement, c'est ça, il y a quelques années, mon garçon jouait dans un band, puis on a fait un gros party chez nous, puis j'ai pris beaucoup de toutes sortes d'affaires, puis de... C'était quoi le nom du band? Cardinal et Macken Kosapo. T'avais pas pris assez d'affaires. Là. Non, mais c'est ça. Puis ce soir-là, c'était ma fête. Puis j'ai jamais d'amis à ma fête. J'ai jamais personne qui vient. Non, c'est vrai. Je suis toujours tout seul à ma fête parce que ma fête, c'est le 19 juillet. Fait qu'à un moment donné, j'appelais tout le monde pour qu'ils viennent me voir, mais il y avait personne. C'est Noël du campeur. Parce que personne peut venir à ta fête le 19 juillet. Mais mon garçon était là avec son band. Personne jamais nulle part peut venir à ta fête le 19 juillet. Même, je pense qu'à n'importe quelle date, j'aurais personne à ma fête. Ah, mais, ça paraît toujours bien de faire pitié. Fait que là, j'étais chez nous, puis j'avais bu beaucoup. Puis à peu près comme toi ce soir. Puis, j'avais pris toutes sortes d'affaires, puis là, j'étais un petit peu saoul, puis là, il y a un bout que je me rappelle pas. Ça fait que là, je voulais écouter le film Woodstock, puis mes deux plus jeunes enfants dormaient à l'étage en haut, puis je leur disais d'aller se coucher, mais ils dormaient déjà. Tu sais, quand c'est un peu bizarre. Ouais. Fait que là, il y a un, comme un 6 heures de ma vie que je me rappelle plus. Fait que là, oui, juste 6 heures. Fait que là, il y a 5 heures du matin, je suis couché sur mon balcon dehors, puis je suis malade. Des marches. Oui. Puis je vomis. Je suis vraiment malade. Puis je vomis comme mauve. Et parce que j'avais bu beaucoup de vin, puis j'avais mangé beaucoup de pâtes. Et là, il y a une main qui me flatte dans le dos, tu sais, vraiment affectueusement, comme amoureusement. Puis là, je suis couché, je suis malade. Puis là, je me dis, en me réveillant, fuck, je suis célibataire, c'est bizarre un peu. Fait que là, c'est... C'était mon garçon qui est là, qui était tout jeune. J'avais 12 ans. Il avait 12 ans. Oh mon Dieu, mais tu crois qu'on en change? C'est vraiment triste, cette affaire. C'est vraiment, vraiment triste. Là, parce qu'à 12 ans, il pense que t'as vomi Barney. C'est ça qu'il a fait. C'est la panique et la confiance. Puis là, je lui demande pourquoi il est là à 5h du matin. Puis là, il m'a dit, je pensais que t'allais mourir. Ben oui. Ah, oh, c'est apprécié. C'est triste. Hey, c'est une belle histoire. Là. C'est vraiment triste. Il va falloir travailler sur ta fête, là. On va trouver de quoi. Fait que c'est ça. Là, ma fête, c'est le 19 juillet. Puis... Mettez ça à la gestion. Ah, je pourrais venir ici pour une quatrième fois. Ben oui, checker ça. Fait que, pour pas trop prendre de temps, puis pour pas tomber dans mes vieilles anecdotes de drogue, je vais revenir la semaine prochaine, mais en vedette. C'est bon, ça. Yeah. Je vais être à la place de Julien Tremblay que... Ça va être magique. J'ai vu avant le... comment on dit ça? En avant-première? Hein? Première partie? Oui, du show de Maxime Martin. C'était vraiment, vraiment bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis là, ben, je vais aller voir ton show solo. Moi, je suis chez vous à ta fête. Oui! Ouais, OK. Te... Il m'a juste l'adresse. Oh, il organise un party. Oh, c'est bon, puis, je fournis le mot. Oui, l'honneur... L'honneur suprême, le tu sais, comme tu dis que t'arrives là dans la vie, là, ce serait que toi et Julien Bernatchez me fassiez mon souper de l'heure. Ça devrait bien aller. Il va de la saucisse. Richard, ça va bien aller. Là. Parce que comme vous, je suis bacon. Ouais. Alors, ben, je serai ici en vedette la semaine prochaine. All right. Richard Zatirois, mesdames et messieurs. Merci, Mario. Yeah! C'était la petite tranche de boulevard nostalgie du futur. On est très contents que tu sois là ici avec nous. On est-tu serré dans le temps? On n'est pas très serré dans le temps. Je ne sais pas, il est quelle heure on est-tu serré dans le temps? On défonce! On a défoncé! On peut pas! On va appeler Guy, on va voir si on peut défoncer. T'as-tu son numéro à prison? Il est encore en prison? Parce que là, il nous reste un dernier bloc de nouvelles. Bon, ben, j'en ai pas beaucoup de nouvelles. J'ai deux nouvelles. Let's go! On s'en va au dernier bloc de nouvelles. Miaou! Miaou, miaou, miaou! Oh, merci, merci! Miaou, miaou, miaou! Miaou, miaou, miaou! Miaou, miaou, miaou! Miaou! Wow! Merci, les Crackberries! On t'a trouvé des chats! Yeah. Je suis vraiment heureux. Let's go, Andy. Amène-nous dans le dernier bloc de nouvelles. Ouais, mais il me reste pas beaucoup de nouvelles, ça va aller vite. Je suis bien content. Comme ça, on va pas passer à Julien qui. Non, c'est pas. J'avais rien. Ah, j'ai. Il assume des envies. OK. On est entre adultes, là. On est pas. Deux frères, William et Barrill Longino, de la Louisiane, se disputaient pour une raison inconnue quelques nuits avant le 11 septembre 1860. Un des deux a eu la bonne idée de lancer un duel immédiat, utilisant des fusils à pompe à double canon. Le défi a été accepté par l'autre, les deux tirèrent en même temps, tuant l'autre instantanément. Wow! On saura jamais c'était quoi la raison. Toutes ces nouvelles-là du siècle d'avant, j'ai l'impression que tu pourrais dire l'alcool pourrait être en cause. Oui, clairement. Oh, oui, ben, constamment, là, constamment. C'était page 12. Let's go next! Le 9 décembre 1827 dernier, un homme, sa femme et leur garçon de 13 ans de Sittingbourne, en Angleterre, ont échappé à la mort. Ils étaient dans leur petit salon de leur petite maison peinard pendant que le garçon faisait sécher 5 livres de poudre à canon dans une canisse au-dessus du feu lorsque le prévisible arriva. Une explosion fit souffler les murs, la porte et les fenêtres de la coquette maison. Les parents s'en sont sortis miraculeusement sans blessure. Le garçon a été blessé sévèrement, mais va survivre. Mais là, on est comme... Wow, ouais, Darwin, il est mort. Ils sont tous morts. Tout le monde est mort. Faites pas de poudre. Oh, Christian. Il fait ça, c'est... faisait sécher sa poudre à canon sur 5 livres de poudre à canon. Pas juste un petit peu, genre pas de la poudre à canon à friser. Où tu veux faire sécher ça? Ben, c'est vrai. C'est ça, corde à linge, toi. Tu sais jamais quand est-ce que t'en as besoin immédiatement. Pas au soleil, les chèvres vont le manger. Là, après ça, tu peux plus traire des chèvres, ça explose. You never know, man. On n'était pas là, on savait pas c'était pour. J'espère que c'est la bonne nouvelle. Là. Bonne nouvelle, 70%. Yes! Deux rats ont été adoptés par votre lecteur de nouvelles, Selma et Patty Jacques, sont présentement dans une cage et équipements qui valent 20 fois plus que les rats elles-mêmes. Vous êtes tous convoqués à venir chez moi et à me regarder être un parent parfait et voir comment je vais les élever à faire la meilleure ratatouille que vous aurez jamais mangée. Vous pourrez aussi courir la chance de visiter la chambre de mon coloc qui est ici ce soir. Je le sais. Bienvenue à tous. C'est tout. Je vais probablement faire une chronique prochaine sur mes rats. Sur tes rats, ouais. Ouais, ouais, super hâte. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Andy Jacques, mesdames, messieurs. Capoté, ce qui va nous amener tranquillement à la fin de 70%. Julien Tremblay, tu vas nous jouer des chansons. Non. On va aller voir notre house band. Non, ce que je voulais dire tantôt, c'est que je peux-tu aller chercher... Je savais pas si on avait assez de temps que je puisse aller chercher mon bicarbonate de soude. Oui. Puis le mettre sur mes dents de sagesse. Ah, tu vas pouvoir faire ça parce que notre house band va jouer une ou deux chansons. En fait, tu peux y aller tout de suite. Thanks. Pendant ce temps-là, on s'occupe de ça. C'est très suivable sur Facebook de ce que j'ai vu, Julien Tremblay. Sinon, ça se découvre. Il y a quelqu'un qui a écrit Wikipédia. Ça veut dire qu'il est big. C'est ma mère. C'est ça. Bon, voilà. Sinon, ben merci d'avoir écouté 70%. Merci beaucoup à la technique, magnifiques Olivier et Stéphane Mallette. On remercie Alexandre et Mathieu. Merci à Andy. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à Julien Tremblay. Richard Zetirois la semaine prochaine à 70%. Soyez tous N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. C'est surtout là que ça se passe. Et dans quelques instants, on va avoir le truculent Julien Tremblay, en attendant, allez-y, les trous de cheveux, là, go. Ouais, on s'attendait pas à ça, là. Comme j'ai dit tantôt, on a déjà mis de la dope dans nos bandeaux, fait qu'on a un peu sur un trip en ce moment, là. Fait que moi, ça me fait vraiment penser que j'aurais vraiment voulu être un animal dans la vie. Pas vous autres. Toi? Je pense qu'il est gelé, il me répond pas. On va y aller avec quelque chose qui nous inspire. On est tout petit. Toi Une autre fois, toute petite, toute petite, toute petite, toute fois. On arrête ça là, nous autres, on va se faire un fixe. Incroyable. On est disponible à tous les jours pour venir jouer dans ton salon, ouais. Sauf le 19 juillet. Exactement, je suis content qu'on va, c'est ça. Merci beaucoup, les Crackberries, mesdames et messieurs. J'ai les frères de... Je trouvais ça drôle, hein, une version actualisée de Bill et Ted, mais il n'y a personne qui se rappelle de Bill et Ted. C'est... Ouais. C'est comme ma joke de c'est quelle ta tune préférée des Counting Crows, là, je peux plus vraiment la faire. Ça va prendre un autre album des Counting Crows. Sinon, ben, Julien Tremblay m'a dit qu'il y avait tellement de stock à nous montrer que ce soir, c'était pas possible. Il va revenir dans le futur, ça va être mieux cet été et tout. On va pouvoir avoir les pyrotechnies pour aller avec son put de mal dedans. Ah, c'est ça. Non, arrête, là, c'est moi qui parle pour toi. Non, mais dis pas, j'ai pas dit que c'était pas. Ah, merci beaucoup. Oublié ton téléphone en arrière aussi, ouais, c'est bon. Les dents de sagesse poussent, puis j'ai pas l'air d'ouvrir la gueule. C'est ça. Je peux faire des jokes. C'était bien plus drôle quand moi je parlais. Ah, toi, tu veux le micro, puis tu veux parler à place de faire des tunes? Ou... Non, je veux mon téléphone. Tu reviens plus tard, c'est ça. Il a dit plus tard dans l'année, à un moment donné. Sinon, ben, on est très content que vous soyez avec nous pour fêter les 9 ans de douteux.org. Et rendu là, ben, il y a des VJ qui savent ce qu'on fait assez bien depuis très longtemps. Étienne Forêt à la console, mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Julien Bernatché, un petit peu toute l'équipe de DC et des Rays dans la place. Donc, on va commencer à sortir des projectiles. Je pense que la trail est assez bien tapée, rendue là. Merci d'être avec nous, Étienne. Je te laisse le relais quand tu veux. Merci, Julien. Merci, Julien. Salut les amis! Vous avez passé une belle soirée? Alors avec moi, au choix des clips, on avait Nicolas Fournier-Larocque de Décy et des Rays et notre muse à tous, Julien Bernatché. C'est notre média-muse. On aime nos musées. Fait que voilà, merci d'avoir toléré tout ça. Si vous voulez écouter plus de nos niaiseries qui n'ont absolument rien à voir avec ça, Décy et des Rays sur les ongles de choc.ca.lol.tazar. Tous les samedis de 11h à midi, puis sinon, ben, c'est en podcast un peu partout. Mais là, aujourd'hui, je suis en ce moment venu pour vous extirper de l'argent. Comme le veut la tradition, vous êtes rentré ici. Ça vous a coûté combien pour rentrer ici? 0$. Et vous avez eu tout ce divertissement-là. Fait qu'évidemment, pour faire rouler tout ça, ça prend des fonds. Puis les fonds, ben, on les prend comment? En vous vendant des cossins. Mais pas n'importe quel cossin, mesdames, messieurs. En ce moment ici, Tommy me tend un livre dont vous êtes le héros, des Transformers. C'est, ouais, c'est pas une très longue lecture, ça. Idéal pour un trajet en métro, j'imagine. Pas besoin de trop d'investissement de temps. Alors, ah ouais, ben là, ça prend quelques dessins. Ça nous met dedans, regardez. Ici, on a un Autobot, puis je sais pas. 2$. Fait que c'est lancé. 2$ pour ce magnifique livre. On s'entend que ça vaut plus 3$. Ben là, hein? Okay. Fait que là, toi, t'arrêtes là. 2, puis là, du 3, puis là, non. 3,5. Bon, OK, là, that's the spirit. 3,5. Puis là, toi, tu dis 4, normalement. Et il dit 4, tu vois? Tu l'avais pas vu venir. 5$. Bon, là, c'est un bet viril. Là. On monte d'une pièce. 5$ une fois. 5$ deux fois. 16$. Oh! Oh! À l'arraché! Tu es le héros de ce livre et tu dois livrer un combat sans merci. Tu t'es introduit dans une soucoupe volante à un moment donné et tu remontes le temps jusqu'à la préhistoire. 7$! Préhistoire, 7$! Je ne savais pas que c'était de la préhistoire. 7$ une fois, hein? 7$ deux fois, hein? 7$ trois fois, et tu l'as eu, bravo! À peine trois fois le prix que tu voulais au début. Ouais, Mathieu Boudreau va récolter ton cash. Et là maintenant, on a, avec sa poussière originale, un magnifique casse-tête de Passe-Partout sur lequel on voit Passe-Montagne et Passe-Partout qui font du jardinage. Il n'y a aucun tintinabule, c'est une garantie Tommy Godette. Et tous les morceaux sont là, sauf potentiellement un des quatre. Non, ils sont tous là pour vrai. Il l'a fait tantôt. Casse-tête de Passe-Partout, qui me donne une pièce pour ça? Une pièce, Simon Portelas, ne reculant devant rien. 1$ pour ça, il y a combien de morceaux là-dedans, Tommy? 80. 80 morceaux. C'est comme une scène .02. C'était la portée de toutes les bourses. Ah oui, effectivement. N'importe qui est capable de le faire, là. Même Simon Portelance. 1$ une fois, ça ne sera pas contesté, ça. Ça reste de même. 1$ deux fois. 3. Qui a dit 3? Oui, 3 dans le fond, en arrière. Bon. 3$ une fois. 3$ deux fois. 5$. Et voilà. Il se laissera pas avoir de même. 5$ une fois. 5$ deux fois. Non, tu y vas pas, toi? 5$ trois fois, et voilà. Maintenant qu'il mange moins de McDo, il y a de l'argent. Et maintenant, une boîte extrêmement décevante. Il s'agit d'un jeu The Simpsons Ultimate Trivia Game. Qui est une grosse boîte en aluminium contenant, grosso modo, un paquet de cartes. C'est pas le jeu qui est décevant, c'est la boîte. Donc, en fait, tu pourrais avoir rien qu'un paquet de cartes. C'est de la merde. Ouais, c'est du trivia. Deux pièces pour ça, puis là, il y a une affiche dedans. Checkez bien ça. La fameuse affiche qu'on a tous déjà vue avec le fond jaune. Non. C'est-tu en français? Le nom est en anglais, en tout cas. Non, c'est tout en anglais. Fait que voilà. Puis l'affiche qui est dedans, c'est rare, ça. D'habitude, quand tu achètes un jeu usagé, il n'y a plus ces affaires-là. Ouais, ouais, ouais. Si, mettons, tu écoutes juste les Simpsons en français parce que tu ne comprends même pas l'anglais. Donc, fait qu'il y avait quelqu'un qui a dit 5$ ici. Fait qu'on part avec ça. 5$ pour ce magnifique trivia game dans sa boîte en aluminium trop grosse pour rien. 6$ une fois. 7$, oh oui, et voilà, ça se laisse pas avoir aussi facilement. 7$ une fois, 8$, 9, tu vois, tu peux dire un chiffre, elle dit l'autre d'après. 10, 11, 12, 13, c'est 14. Non, ça c'était 12, c'était ton top 12. Il te reste juste 12$, puis that's it. 13$ une fois, 13$ deux fois. Et 13$ trois fois, voilà, bien mérité. Chaude lutte. Félicitations. Et voilà. Et maintenant, comme pièce de résistance, Tommy l'avait annoncé tout à l'heure, on a le magnifique dessin qui a été fait live ici pour le 9 ans du douteux par Sylvain Savard de Outer Minds. Ah oui, il n'y en a pas deux comme ça et il est signé par l'artiste, donc s'il meurt éventuellement, il y a du profit à faire avec ça. Voilà. Donc, 10$, voilà un investisseur qui a tout compris comment ça marche. 11$, Ça s'arrête là. Il y a une crowd cheap un peu aujourd'hui. Hein? Deuxième bet. Whoop. OK, c'est bon. 11$ pour ce magnifique dessin unique et original. 11$ une fois. 12! Bon, me semblait aussi. 13! Ah là, t'avais pas juste 12 tantôt? Il vient de quitter de l'argent à sa blonde. 13$ une fois. 13$ deux fois. 14! Oh là là! 14$ une fois. Il check avec sa blonde s'il y a 15. 14$ deux fois. 15! Guise, lui, il y a 15. Sa blonde est même pas là. 15$ une fois. 15$ deux fois. 16! Qui a dit 16 dans le fond ici? 16$ une fois. 20! Oh là là! 20$ au gars qui a l'air plus menaçant que les autres dans la salle. Donc, je prévois que ça s'arrête ici. 20$ une fois. 20$ deux fois. 22! Oh là là! Aucunement intimidé. 22$ une fois. 22$ deux fois. 25! Oh là là! C'est fou! Ça, là, c'est comme l'équivalent de deux Ultimate Trivia Games des Simpsons. 25$ une fois. 25$ deux fois. Et 25$ trois fois. Bravo, man, tu l'as eu de bien belle façon. Et voilà. Merci, les amis, d'avoir contribué au fonds de roulement de douteux.org qui vous le remettra au centuple. Et puis, ceci étant dit, je passe le micro à Tommy Godette qui va nous présenter le documentaire qu'on va écouter tous ensemble. Merci, Étienne. Oh, oui, applaudissez, Étienne, voyons, vous savez comment ça marche. Merci pour le beau set de VJ. Merci d'être revenu nous voir, les amis de Décidérez. Ça fait tout le temps plaisir. On est en train de fêter notre 9e anniversaire. On est rendu avec une nouvelle affiche. Vous revoyez, il y a Alf Lien, là. J'en ai parlé tantôt. Si vous avez une place ou vous voulez en mettre une, ben, j'en ai à donner. Gênez-vous pas. J'ai réalisé, pendant que Étienne me passait le micro, que j'avais réfléchi à ça plus tôt et que j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre que moi pour venir présenter le film. C'est ça, j'ai le micro. Là-dessus, Mathieu va passer avec le Yuki de Spare en attendant que notre ami nous revienne. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, ça te fait vraiment bien le poids que t'as perdu. Donc, très rapidement, parce que vous avez pas fini de m'entendre parler, moi, le film, ça a été... j'ai beaucoup mis d'argent sur ce film-là, parce que je voulais que JP fasse quelque chose sans aucune pression. Là, je réalise après que peut-être j'aurais pas dû mettre d'argent, j'aurais dû comme inventer un personnage mystère qui donnait de l'argent à JP, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, surtout les moments où je peux rire de moi parce que j'ai l'air d'un gros cave. Et ça, c'est précieux pour moi. J'aime ça, ces moments-là. Comme quand j'appelle Sofiane Safran, puis que je fais... c'est des affaires que... Moi, c'est un petit peu pour ça que je fais ces affaires-là. Et le long-métrage traite beaucoup d'un état embryonnaire de quelque chose qui est surtout un lexique que j'ai découvert avec le temps. Et voilà, c'est une discussion qui dure depuis des années. J'ai proposé ce film-là parce qu'on me l'a demandé et... Je l'ai mis contre un -8,9, là, les nouveaux barbares. Fait que c'est pas un égo trip qu'on va voir. C'est plus comme une réflexion sur le passé, j'espère. Si je vous tape ses nerfs, dites-vous que je me tape ses nerfs aussi et qu'il faut que je vive avec moi. Fait que faites-moi confiance, on s'habitue. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous montre l'œuvre de JP, le pain Saint-Pénis. On y a tellement trouvé de nom. Et ça s'appelle La croisade du cinéma douteux. Il faut que le monde sache. Et la trame sonore au complet a été composée par le comptable de l'organisme qui s'appelle Pablo, le Cavalier Ruiz. Je ne sais pas quoi rajouter. Je suis vraiment content que vous soyez là. C'était les 9 ans de douteux. On est là lundi prochain avec Richard Z. Serrois, les justiciers masqués. Et le meilleur show gratuit du lundi au monde, c'est évident. Merci beaucoup tout le monde, vraiment. Et puis, peut-être une dernière fois pour la soirée, merci aux gens à la technique. Let's go, on part la croisade du cinéma douteux 2. Penses-tu que le titre est trop long?